Ceci est une lecture de Christiane Jehan pour audiocité.net. Ceci est un enregistrement sous licence CC BY NC ND 2.0 FR. 10 années d'exil par Madame Germaine de Staël. Seconde partie. Chapitre 4. Exil de Monsieur de Montmorency et de Madame Récamier. Nouvelle persécution. Ces chicanes continuelles sur les moindres accidents de ma vie me la rendaient odieuse, et je ne pouvais me distraire par l'occupation, car le souvenir du sort qu'on avait fait éprouver à mon livre et la certitude de ne pouvoir plus rien publier à l'avenir décourageaient mon esprit qui a besoin d'émulation pour être capable de travail. Néanmoins, je ne pouvais encore me résoudre à quitter pour jamais et les rives de la France et la demeure de mon père et les amis qui m'étaient restés fidèles. Toujours je croyais partir et toujours je me donnais à moi-même des prétextes pour rester lorsque le dernier coup fut porté à mon âme. Dieu sait si j'en ai souffert. Monsieur de Montmorency vint passer quelques jours avec moi à Copé, et la méchanceté de détail du maître d'un si grand empire est si bien calculée qu'au retour du courrier qui annonçait son arrivée chez moi, il reçut sa lettre d'exil. L'empereur n'eût pas été content si cet ordre ne lui avait pas été signifié chez moi, et s'il n'y avait pas eu dans la lettre même du ministre un mot qui indiquât que j'étais la cause de cet exil. Monsieur de Montmorency chercha, de toutes les manières, à m'adoucir cette nouvelle. Mais, je le dis à Bonaparte, pour qu'il s'applaudisse d'avoir atteint son but, je poussai des cris de douleur en apprenant l'infortune que j'avais attirée sur la tête de mon généreux ami. Et jamais mon cœur, si éprouvé depuis tant d'années, ne fut plus près du désespoir. Je ne savais comment étourdir les pensées déchirantes qui se succédaient en moi. Je recourus à l'opium pour suspendre quelques heures l'angoisse que je ressentais. Monsieur de Montmorency, calme et religieux, m'invitait à suivre son exemple. Mais la conscience du dévouement qu'il avait daigné me montrer le soutenait. Et moi, je m'accusais des cruelles suites de ce dévouement, qui le séparait de sa famille et de ses amis. Je priais Dieu sans cesse, mais ma douleur ne me laissait point de relâche. Et ma vie me faisait mal à chaque instant. Dans cet état, il m'arrive une lettre de Madame Récamier, de cette belle personne qui a reçu les hommages de l'Europe entière et qui n'a jamais délaissé un ami malheureux. Elle m'annonçait qu'en se rendant aux eaux d'Aix en Savoie, elle avait l'intention de s'arrêter chez moi et qu'elle y serait dans 2 jours. Je frémis que le sort de Monsieur de Montmorency ne l'atteignît. Quelque invraisemblable que cela fût, il m'était ordonné de tout craindre d'une haine si barbare et si minutieuse tout ensemble. Et j'envoyai un courrier au-devant de Madame Récamier pour la supplier de ne pas venir à Copé. Il fallait la savoir à quelque lieu, elle qui m'avait constamment consolé par les soins les plus aimables. Il fallait la savoir là, si près de ma demeure, et qu'il ne me fût pas permis de la voir encore. Peut-être pour la dernière fois, je la conjurai de ne pas s'arrêter à Copé. Elle ne voulut pas céder à ma prière. Elle ne put passer sous mes fenêtres sans rester quelques heures avec moi. Et c'est avec des convulsions de larmes que je la vis entrer dans ce château où son arrivée était toujours une fête. Elle partit le lendemain et se rendit à l'instant chez une de ses parentes, à 50 lieues de la Suisse. Ce fut en vain. Le cruel exil la frappa. Elle avait eu l'intention de me voir. C'était assez. Une généreuse pitié l'avait inspirée. Il fallait qu'elle en fût punie. Les revers de fortune qu'elle avait éprouvés lui rendaient très pénible la destruction de son établissement naturel. Séparée de tous ses amis, elle a passé des mois entiers dans une petite ville de province. Livrée à tout ce que la solitude peut avoir de plus monotone et de plus triste. Voilà le sort que j'ai valu à la personne la plus brillante de son temps. Et le chef des Français, si fameux par leur galanterie, s'est montré sans égard pour la plus jolie femme de Paris. Le même jour, il a frappé la naissance et la vertu dans Monsieur de Montmorency, la beauté dans Madame Récamier. Et, si j'ose le dire, en moi, quelque réputation de talent. Peut-être s'est-il aussi flatté d'attaquer le souvenir de mon père dans sa fille, afin qu'il fût bien dit que sur cette terre, ni les morts, ni les vivants, ni la piété, ni les charmes, ni l'esprit, ni la célébrité n'étaient de rien sous son règne. On s'était rendu coupable quand on avait manqué aux nuances délicates de la flatterie, en n'abandonnant pas quiconque était frappé de sa disgrâce. Il ne reconnaît que deux classes d'hommes, ceux qui le servent et ceux qui s'avilissent, non de lui nuire, mais d'exister par eux-mêmes. Il ne veut pas que dans l'univers, depuis les détails de ménage jusqu'à la direction des empires, une seule volonté s'exerce sans relever de la sienne. « Madame de Staël, disait le préfet de Genève, s'est fait une existence agréable chez elle. Ses amis et les étrangers viennent la voir à Copé. L'empereur ne veut pas souffrir cela. Et pourquoi me tourmentait-il ainsi? Pour que j'imprimasse un éloge de lui. Et que lui faisait cet éloge à travers les milliers de phrases que la crainte et l'espérance se sont empressées à lui offrir? Bonaparte a dit une fois, « Si l'on me donnait à choisir entre faire moi-même une belle action ou induire mon adversaire à commettre une bassesse, je n'hésiterais pas à préférer l'avilissement de mon ennemi. » Voilà toute l'explication du soin particulier qu'il a mis à déchirer ma vie. Il me savait attaché à mes amis, à la France, à mes ouvrages, à mes goûts, à la société. Il a voulu, en m'ôtant tout ce qui composait mon bonheur, me troubler assez pour que j'écrivisse une platitude, dans l'espoir qu'elle me vaudrait mon rappel. En m'y refusant, je dois le dire, je n'ai pas eu le mérite de faire un sacrifice. L'empereur voulait de moi une bassesse, mais une bassesse inutile. Car, dans un temps où le succès est divinisé, le ridicule n'eût pas été complet si j'avais réussi à venir à Paris par quelque moyen que ce pût être. Il fallait, pour plaire à notre maître, vraiment habile dans l'art de dégrader ce qu'il reste encore d'âme fière, il fallait que je me déshonorasse pour obtenir mon retour en France, qu'il se moquât de mon zèle à le louer, lui qui n'avait cessé de me persécuter, et que ce zèle ne me servit à rien. Je lui ai refusé ce plaisir vraiment raffiné. C'est le seul mérite que j'ai eu dans la longue lutte qu'il a établie entre sa toute-puissance et ma faiblesse. La famille de M. de Montmorency, désespérée de son exil, souhaita, comme elle le devait, qu'il s'éloignât de la triste cause de cet exil. Et je vis partir cet ami sans savoir si jamais sa présence honorerait encore ma demeure sur cette terre. C'est le 31 août 1811 que je brisais le premier et le dernier de mes liens avec ma patrie. Je le brisais, du moins, par les rapports humains qui ne peuvent plus exister entre nous. Mais je ne lève jamais les yeux au ciel sans penser à mon respectable ami. Et j'ose croire aussi que dans ses prières, il me répond. La destinée ne m'accorde plus une autre correspondance avec lui. Quand l'exil de mes deux amis fut connu, une foule de chagrins de tout genre m'assaillirent. Mais un grand malheur rend comme insensible à toutes les peines nouvelles. Le bruit se répandit que le ministre de la police avait déclaré qu'il ferait mettre un corps de garde au bas de l'avenue de Copé pour arrêter quiconque viendrait me voir. Le préfet de Genève, qui était chargé, par ordre de l'empereur, disait-il, de « m'annuler », c'est son expression, ne manquait pas une occasion d'insinuer ou même d'annoncer que toute personne qui avait quelque chose à craindre ou à désirer du gouvernement ne devait pas venir chez moi. Monsieur de Saint-Priest, ci-devant ministre du roi et collègue de mon père, daignait m'honorer de son affection. Ses filles, qui redoutaient avec raison qu'on ne le renvoyât de Genève, se joignirent à moi pour le prier de ne pas me voir. Néanmoins, au milieu de l'hiver, à l'âge de 78 ans, il fut exilé, non seulement de Genève, mais de la Suisse. Car il est tout à fait reçu, comme on l'a vu par mon exemple, que l'empereur exile de Suisse aussi bien que de France. Et quand on objecte, aux agents français qu'il s'agit pourtant d'un pays étranger dont l'indépendance est reconnue, ils lèvent les épaules comme si on les ennuyait par des subtilités métaphysiques. En effet, c'est une vraie subtilité que de vouloir distinguer en Europe autre chose que des préfets rois et des préfets recevant directement des ordres de l'empereur de France. Si les soi-disant pays alliés diffèrent des provinces françaises, c'est parce qu'on les ménage un peu moins qu'elles. Il reste en France un certain souvenir d'avoir été appelée la grande nation, qui oblige quelquefois l'empereur à des ménagements. Il en était ainsi du moins, mais cela devient chaque jour moins nécessaire. Le motif qu'on donna pour l'exil de M. de Saint-Priest, c'est qu'il n'avait pas obtenu de ses fils de donner leur démission du service de Russie. Ses fils avaient trouvé pendant l'émigration un accueil généreux en Russie. Ils y avaient été élevés, leur intrépide bravoure y était justement récompensée. Ils étaient couverts de blessures, ils étaient désignés entre les premiers pour leur talent militaire. L'aîné a déjà plus de 30 ans. Comment un père aurait-il pu exiger que l'existence de ses fils, ainsi fondée, fût sacrifiée à l'honneur de venir se faire mettre en surveillance sur le territoire français, car c'est là le sort digne d'envie qui leur était réservé. Je fus tristement heureuse de n'avoir pas vu M. de Saint-Priest depuis 4 mois, quand il fut exilé. Sans cela, personne n'aurait douté que ce ne fût moi qui avais fait porter sur lui la contagion de ma disgrâce. Non seulement les Français, mais les étrangers étaient avertis qu'ils ne devaient pas venir chez moi. Le préfet se tenait en sentinelle pour empêcher même des anciens amis de me revoir. Un jour, entre autres, il me priva, par ses soins officiels, de la société d'un Allemand dont la conversation m'était extrêmement agréable. Et je lui dis cette fois qu'il aurait bien dû s'épargner cette recherche de persécution. « Comment ? » me répondit-il. « C'est pour vous rendre service que je me suis conduit ainsi. J'ai fait sentir à votre ami qu'il vous compromettrait en venant chez vous. » Je ne pus m'empêcher de rire à cet ingénieux argument. « Oui, » continua-t-il, avec un sérieux imperturbable. « L'empereur, voyant qu'on vous préfère à lui, vous en saurait mauvais gré. » « Ainsi, lui dis-je, l'empereur exige que mes amis particuliers, et peut-être bientôt mes enfants, m'abandonnent pour lui complaire. Cela me paraît un peu fort. D'ailleurs, ajoutai-je, je ne vois pas bien comment on compromettrait une personne dans ma situation, et ce que vous me dites me rappelle un révolutionnaire à qui, dans le temps de la terreur, on s'adressait pour qu'il tâchât de sauver un de ses amis de l'échafaud. « Je craindrais de lui nuire, » répondit-il, en parlant pour lui. Le préfet sourit de ma citation, mais continua les raisonnements qui, appuyés de 400 000 baïonnettes, paraissent toujours pleins de justesse. Un homme à Genève me disait, « Ne trouvez-vous pas que le préfet déclare ses opinions avec beaucoup de franchise ?»« Oui, » répondis-je, « il dit avec sincérité qu'il est dévoué à l'homme puissant. Il dit avec courage qu'il est du parti le plus fort. Je ne sens pas bien le mérite d'un tel aveu. » Plusieurs personnes indépendantes continuaient à me témoigner à Genève une bienveillance dont je garderai à jamais un profond souvenir. Mais jusqu'à des employés des douanes se croyaient en état de diplomatie vis-à-vis de moi. Et, de préfets en sous-préfets et en cousins des uns et des autres, une terreur profonde se serait emparée de tous si je ne leur avais pas épargné, autant qu'il était en moi, l'anxiété de faire ou de ne pas faire une visite. À chaque courrier, le bruit se répandait que d'autres de mes amis avaient été exilés de Paris pour avoir conservé des relations avec moi. Il était de mon devoir strict de ne plus voir un seul Français marquant, et très souvent je craignais même de nuire aux personnes du pays où je vivais, dont la courageuse amitié ne se démentait point envers moi. J'éprouvais 2 mouvements contraires, et je le crois tous les deux également naturels. J'étais triste quand on m'abandonnait, et cruellement inquiète pour ceux qui me montraient de l'attachement. Il est difficile qu'une situation plus douloureuse à tous les instants puisse se représenter dans la vie. Pendant près de 2 ans qu'elle a duré, je n'ai pas vu revenir une fois le jour sans me désoler d'avoir à supporter l'existence que ce jour recommençait. « Mais pourquoi ne partiez-vous pas » dira-t-on, « et ne cessait-on de me dire de tous les côtés ?» Un homme que je ne dois pas nommer, mais qui sait, je l'espère, à quel point je considère l'élévation de son caractère et de sa conduite, me dit « Si vous restez, il vous traitera, comme Marie Stuart. 19 ans de malheur et la catastrophe à la fin. » Un autre, spirituel, mais peu mesuré dans ses paroles, m'écrivit qu'il y avait du déshonneur à rester après tant de mauvais traitements. Je n'avais pas besoin de ses conseils pour désirer avec passion de partir, du moment que je ne pouvais plus revoir mes amis, que je n'étais plus qu'une entrave à l'existence de mes enfants. Ne devais-je pas me décider ? Mais le préfet répétait de toutes les manières que je serais arrêté si je partais. Qu'à Vienne, comme à Berlin, on me ferait réclamer, et que je ne pourrais même faire aucun préparatif de voyage sans qu'il en fût informé, car il savait, disait-il, tout ce qui se passait chez moi. À cet égard, il se vantait. Et l'événement l'a prouvé. C'était un fat en fait d'espionnage. Mais qui n'aurait pas été effrayé du ton d'assurance avec lequel il disait à tous mes amis que je ne pourrais faire un pas sans être saisi par les gendarmes.